Sadou, Kanjoura, le grand marabout à Toronto, papa d'Abraham. Dodo Lukano, mon valuyo. PDG, Urso, Mwabilou, Maïe, groupe l'avenir. Albert, Roger, Belembe, Mawa, Benz Petrol, Rita Bola, na Londres. Gilva Tundu, le vrai Mbunza, Eric Lemanzila la boucle, président Dongo. Salon Harmonie, Robert Mouvilandina, Deon Munga, le vrai Joe de Paris, Matal de Genève, Espéra Mami de Genève. Yoka mongongo utasata na kita awa ose bato balanda ye babosa na mibeko beti ya mokoto zambe atinda bato na moki balingana mama Belzon Rouge Playboy Palace Sony Chic Shop Mary Ophélie na Hollywood Guilaine n'a rien à te capaya. Jean-Jacques Munda, Denis Saï, Nanette Nina. Robélie, cœur de satellite. Robert Brazanga, Mère Manoua, Docteur Antoine Bilingwengu. Papa Lutumba Boyanga Tepo Mama Kelani Anzali Mère Sarah Yetokona Kaila Kiliba Yamanuka Namesola Kolata Kakilo Kola Luambo Opona Yebio Frankolo Toko Kufaka Kileke Nadre Bishop Ata Ozali Mulumba Yize Mabele O Mabini Boma La Simplicite Nangabo Mona Kangai Baba Brigitte Kiambi, Eloko Nazalaka, Kolukana, Kompani Boyebakate, Lelo Sangwe Pandali, Mboka Mobimba, Yalutu Kimpere, Sans Souci, Reisite Nangaye Pepsi Bango, Yasimou Mouza, Oyoki Mouza, Ripasson, Le Correcteur, Kama Nangaye Komande Sukali, Namino Koyabato, Matebi, Shiro Chamala, Toto Toko Bimisaka Yango Pe Tako Kimpere, koma lumumba to bota na kami susweti karaka na mabumu bobi misi mabela ngana miso ya bato Jean-Pierre Moula bota ba parfe bebi arata o muku kwa samito da vefila mayela yela Ha ha ha.